L'écureuil, partie 1. Du panache, oui, sans doute. Mais mon petit ami, ce n'est pas là que ça se met. L'écureuil, partie 2. Leste à l'humeur de l'automne, il passe et repasse sous les feuilles la petite torche de sa queue.